L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Lila et Lenou prennent conscience du passé de leur quartier, des haines et des rancunes de chacun. Lila cherche à comprendre qui s'est enrichi au marché noir, qui est camorriste, fasciste ou monarchiste. Lenou, elle, préfère se plonger dans ses livres et s'apprête à entrer au lycée. Sans Lila. Elle y retrouve Nino Saratore qui lui avait déclaré son amour quand ils étaient enfants et dont le père Donato Saratore, cheminot et poète, avait déclenché la passion de la veuve Melina. Sixième épisode, le lycée. Cet été-là, les frontières du quartier commencèrent à s'estomper. Un matin, mon père m'emmena avec lui et me montra les moyens de transport et les rues que je devrais emprunter pour aller au lycée en octobre. C'est bien que j'ai une journée de congé. Oui, c'est bien. Ah, et qu'on puisse se promener ensemble. Oui, je suis contente. C'était une belle journée, venteuse et très claire. Je me sentis aimée, chouchoutée, et à l'affection que j'avais pour mon père, vint s'ajouter une admiration croissante. D'accord. Il connaissait très bien l'espace immense de la ville. Il savait où aller prendre le tram, le train et le bus. Dans la rue, il avait des manières sociables, courtoises et patientes qu'il n'avait presque jamais à la maison. Ah oui. Nous passâmes toute la journée ensemble, la seule de notre vie. Je ne me souviens d'aucune autre. Tu vois ça? C'est la Piazza Garibaldi. Et la gare en construction, là, elle est tellement moderne que les Japonais viennent exprès du Japon pour l'étudier et la refaire à l'identique chez eux. Oh là là. Surtout les piliers. Ah ouais. Moi, je préférais l'ancienne. Eh, tant pis. Naples, c'est comme ça. On enlève, on démolit, et puis on refait. Ça fait circuler l'argent, et ça crée du travail. Il m'emmena à Corso Garibaldi, jusqu'au bâtiment qui serait bientôt mon école. Allons chez le pizzaiolo. Il a une pizza à la ricotta toute chaude. Et puis, on s'arrêtera chez le marchand des quatre saisons, voir s'il a des pêches bien jaunes. Hein, tu veux ? Oui, merci beaucoup, papa. Était-il donc possible que seul notre quartier soit saturé de tensions et de violences, alors que le reste de la ville était radieux et bienveillant ? Tiens, regarde. Là, c'est la mairie. Il m'emmena voir l'endroit où il travaillait, qui se trouvait sur la Piazza Municipio. Là aussi, tout avait changé. Tu vois tout l'espace qu'il y a maintenant ? Ils ont coupé les arbres et tout détruit. Tout ce qui reste d'ancien, c'est le Maschio Angioino. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il n'y a que deux vrais hommes à Naples. Ton papa et ce château. Allez, viens. Maintenant, je vais te montrer le Vésuve. Et la mer. On va voir la mer? Bien sûr. On va prendre la Via Chiaia. Et la Via Caraccio. Le Vésuve était une forme délicate, couleur pastel, au pied de laquelle s'agglutinaient les pierres blanches de la ville et la mer. Voilà la mer. Et quelle mer! Très agitée, elle rugissait et le vent coupait le souffle, plaquait les vêtements contre le corps et soulevait les cheveux du front. Merci papa. Attention les enfants, c'est dangereux. Nous restâmes de l'autre côté de la route, au milieu d'une petite foule qui admirait le spectacle. Les vagues roulaient comme des tubes de métal bleu, portant à leur sommet le blanc d'œuf de l'écume, puis elles se brisaient en mille éclats scintillants et arrivaient jusqu'à la route, au milieu de tous ceux qui regardaient. Hé, ne t'approche pas trop. Oui. Regarde comme les vagues sont grandes. Quel dommage que Lila ne soit pas là. Je me sentis étourdie par les rafales puissantes et par le bruit. J'avais l'impression que, même si je retenais une grande partie de ce spectacle, un tas de choses, trop, s'éparpillaient autour de moi sans que je puisse les saisir. Mon père me serra la main comme s'il avait peur que je m'échappe. En cet instant tellement fantastique, plein de lumière et de clameurs, je m'imaginais seule dans la nouveauté de la ville, neuve moi-même, avec toute la vie devant moi. Je rentrais dans notre quartier comme si je revenais d'une terre lointaine. Voilà de nouveau ces rues bien connues. L'épicerie de Stefano et de sa sœur Pinuccia. Enzo qui vendait ses fruits et la 1100 de Solara garée devant le bar. Celle-là, je ne sais combien j'aurais donné pour qu'elle disparaisse de la surface de la terre. Mes deux premières années au petit lycée furent beaucoup plus difficiles que le collège. J'atterris dans une classe de 42 élèves qui était une des rares classes mixtes de cet établissement. Il y avait très peu de filles et je n'en connaissais aucune. La salle puait. C'était un mélange acide de sueur, de pieds sales et de peur. Je vécus les premiers mois de ma nouvelle vie scolaire en silence. Je travaillais tout l'après-midi et jusqu'à 23 heures, et puis de 5 à 7 heures du matin quand c'était l'heure de partir. Quand je sortais de chez moi, chargée de livres, il m'arrivait souvent de rencontrer Lila qui courait à la cordonnerie pour ouvrir le magasin. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu as comme matière aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as étudié hier soir en faisant tes devoirs? T'en es où dans la grammaire grecque? Ces questions m'angoissaient. Bon, bah salut. Je me disais que je n'avais pas assez travaillé et que, n'étant pas capable de lui répondre, je ne serais pas capable non plus de répondre au professeur. J'attendais en bas de chez moi. Je la voyais arriver de l'immeuble où elle habitait. Et je remarquais qu'elle continuait de changer. Maintenant, elle était plus grande que moi. Son corps s'arrondissant, sa démarche aussi devenait plus douce. Salut. Salut. Et aujourd'hui, t'as cours de quoi? Grec, latin et histoire. En latin, on lit l'Énéide. Ah bon? Moi, j'en peux plus de Rino. Ah bon? Il est devenu prétentieux. Il est méconnaissable. Mais c'est de ma faute. Je lui ai fait croire que la richesse était au coin de la rue. Au coin d'une autre rue que celle du quartier, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, je file prendre le tram. À demain. À demain. Lila partait vers la cordonnerie et moi vers la station de tram. Et je me retournais à de nombreuses reprises pour la regarder une dernière fois. Une ou deux fois, je vis arriver Pasquale et tout essoufflé. Il l'abordait et l'accompagnait. Le tram était plein de gamins et de gamines, embrumés par le sommeil et la fumée des premières cigarettes. Moi, je ne fumais pas et je ne parlais à personne. Pendant mes quelques minutes de trajet, je révisais les cours avec angoisse, me fourrant frénétiquement dans la tête des façons de parler qui n'étaient pas celles du quartier et qui étaient pour moi comme une langue étrangère. Rosa, Rosa, Rosa. J'avais la terreur de l'échec scolaire, de l'ombre tordue de ma mère mécontente et des gros yeux de Madame Oliviero. Et pourtant, je n'avais désormais qu'une idée en tête. Me trouver un petit ami au plus vite avant que Lila ne m'annonce qu'elle sortait avec Pasquale. Jour après jour, l'anxiété de ne pas y parvenir à temps croissait. À l'entrée et à la sortie du lycée, je regardais les garçons. Certains étaient encore en culotte courte, d'autres portaient des pantalons droits. Je regardais les plus vieux, ceux du grand lycée, qui pour la plupart venaient en veste et cravate et ne mettaient jamais de manteau, comme s'ils voulaient prouver qu'ils n'avaient jamais froid. Ça, c'est des vrais garçons. Je préférais ces garçons-là. Mais je me serais aussi contentée de n'importe qui de la classe supérieure à la mienne. L'essentiel était qu'ils portent un véritable pantalon. Un jour, je fus frappée par un élève à la démarche dégingandée, très maigre, les cheveux bruns en bataille et un visage que je trouvais très beau et vaguement familier. C'était Nino Saratore, le fils de Donato Saratore, le poète cheminot. Il croisa mon regard, mais distraitement, il ne me reconnut pas. Sa veste était usée au coude et étroite aux épaules. Son pantalon était élimé et ses chaussures informes. Il n'avait aucun des signes d'aisance que Stefano et surtout les Solara exhibaient. À partir de ce jour, j'allais en classe comme si voir ou même seulement apercevoir Nino était la seule véritable raison d'aller au lycée. Qui c'est Greco? Au tableau. Où Aîné fait-il escale après avoir fui Troie? Il se dirige vers la Thrace, monsieur. Et ensuite? Ensuite, les Troyens se rendent au sanctuaire de Délos pour aller consulter l'oracle. On dit oracle, pas oralque. Tu Je me sentis humiliée. Il ne vint pas à l'esprit de M. Gerace que même si je connaissais le sens de ce mot, je vivais dans un monde où personne n'avait jamais aucune raison de l'utiliser. Les jours passèrent et ce fut notre premier devoir de latin. Greco ? C'est moi, monsieur. Quelle est la première personne du pluriel du verbe posco au parfait ? Je répondis terrorisée, surtout parce qu'il me regardait avec une attention que jusqu'à ce jour, il n'avait jamais accordée à personne. Compleverem. Bien. Analysez la forme verbale suivante. Puis il me rendit ma copie sans faire le moindre commentaire. J'avais une œuf. À partir de là, ce ne fut qu'un crescendo. Mon talent s'imposa comme un dogme à tous mes autres enseignants. Comment traduire profuit ? Quand Noël arriva, tout le monde m'appelait Greco. Quand ce n'était pas Elena. Gino, le fils du pharmacien qui était dans ma classe, se mit à traîner à la sortie. T'as combien en latin ? Moi j'ai eu 7 sur 10. J'ai eu 9. C'est en maths que j'ai le plus de mal. Tu veux que je t'aime ? Oui, pourquoi pas. On pourra aller réviser à la bibliothèque. Dis, Elena, je... Tu voudrais sortir avec moi ? Moi ? Ouais, je veux bien. C'est vrai ? Gino n'était qu'un gros bêta, mais je poussais un soupir de soulagement. C'était toujours mieux que rien. Toute cette exaltante tension connut une pause pendant les vacances de Noël. Je fus à nouveau absorbée par le quartier. J'eus plus de temps et pus voir Lila davantage. Elle avait découvert que j'apprenais l'anglais et naturellement, s'était procuré une grammaire. Quand tu retourneras à l'école, demande à ton prof comment on prononce « showers » et « factory » et « brother » aussi. Quoi ? T'as une drôle de prononciation. Mais la mienne n'est pas meilleure. Regarde, c'est comme ça que j'apprends. Je mets plein de papiers dans cette boîte. D'un côté, j'écris en français. De l'autre, en anglais. Crayon. Oui. Pencil. To understand. Comprendre. Feel. Thread. Qui c'est qui t'a dit de faire ça ? C'est Monsieur Ferraro. Le bibliothécaire ? Oui. C'est une excellente méthode pour apprendre le vocabulaire. Timette, le premier, dit qu'il faut le faire entrer dans nos murs et le placer dans et l'Énéide. C'est magnifique. T'as tout lu ? Bah oui, je l'ai lu en entier en quelques jours. En classe, on n'en est qu'à la moitié du deuxième chant. C'est super beau. Je pense que Didon est une femme virile et que Énée n'est qu'un lâche. J'entendis ce nom de Didon pour la première fois, non pas à l'école, mais de sa bouche. C'est un texte qui montre que sans amour, non seulement la vie des personnes est plus pauvre, mais aussi celle des villes. J'appliquais aussitôt cette idée à nos rues sales, nos petits jardins poussiéreux, notre campagne défigurée par les nouveaux immeubles et la violence présente dans chaque maison, dans chaque famille. Mais je craignis que Lila ne se remette à me parler fascisme, nazisme et communisme. Lila, il faut que je te dise quelque chose. Quoi ? Je sors avec Gino. Ah bon ? Et tu ne devineras jamais qui j'ai vu au lycée. Qui ? Nino. Nino Saratore. Il est encore plus beau qu'en primaire. Oh, t'es avec le fils du pharmacien ? Bravo ! T'as craqué. T'es tombée amoureuse. Comme la fiancée d'Aînée. Arrête, tu te moques. Tu sais, Mélina et sa famille, ils n'ont pas un sou. Du coup, Mélina est obligée de laver les escaliers d'immeubles avec Ada, parce que l'argent qu'Antonio ramène à la maison ne suffit pas. Elle trime avec des gestes de machine, et si quelqu'un s'avise de descendre ou monter quand elle nettoie les escaliers, elle se met à hurler des insultes et à lancer sa serpillière. Oh. Et un jour, Ada m'a dit que sa mère avait fait une crise parce que quelqu'un avait ruiné son travail avec des traces de pas. Adam a dit qu'elle l'avait vu boire l'eau sale de son seau. Ah oui. Et elle avait dû le lui arracher des mains. Oh, c'est dégoûtant. De fil en aiguille, Lilla était passée de Gino à Didon, puis à Ennie qui l'avait abandonnée, et à la veuve folle. Ennie, non? T'as qu'à lui raconter comment elle va, Méline. Dis-lui qu'il faut qu'il raconte tout à son père. Autrement, c'est trop facile d'écrire des poésies. Moi, je ne tomberai jamais amoureuse de personne. Et je n'écrirai jamais, mais alors jamais, de poésie. Je te crois pas. C'est pourtant vrai. Mais des hommes tomberont amoureux de toi. Tant pis pour eux. Alors ils souffriront comme cette Didon? Non, ils iront voir ailleurs. Exactement comme Aînée, qui à la fin se met avec la fille d'un roi. Lilla reçut deux déclarations d'amour presque en même temps. Lilla! Les premières de sa vie. Lilla, comment tu vas? C'est que je m'inquiétais, moi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue à la cordonnerie. T'es pas malade? Non, pas du tout. Ah bon? Bon. Je suis soulagée. C'est que... faut que je te parle. Voilà, je suis amoureux. Je suis fou de toi. Je t'aime tellement que si tu veux bien, j'irai parler à ton frère, à tes parents, à qui tu voudras, comme ça on pourra se fiancer discrètement, tout de suite. Je t'en supplie, Lilla. Pashka, tu sais, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Ma vie ne vaut rien sans toi. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais pas comme on doit aimer un fiancé. Et d'abord, moi, je ne me fiancerai jamais avec personne. Vous tous, Antonio, toi, Enzo, je vous aime comme j'aime Rino. Mais moi, je ne t'aime pas comme j'aime Carmela. L'autre déclaration venait de Marcello Sollara. Alors, il faut que je te raconte. Quoi? Marcello était au volant de la 1100. Tout seul. Sans son frère. Et il m'a aperçu alors que je rentrais à la maison en suivant le boulevard. Il a laissé la voiture au beau milieu de la rue, avec la portière ouverte. Il a dit qu'on avait bien dansé le rock à la fête de la mère de Giliola. Puis il m'a raconté le rêve qu'il avait fait la nuit précédente. Dans son rêve, il me demandait en fiançailles, j'acceptais. Et il m'offrait une bague identique à la bague de fiançailles de sa grand-mère, avec un chaton serti de 3 diamants. Moi, je lui ai juste dit « Ah bon? Dans ton rêve, j'ai accepté? Alors c'est vraiment un rêve, parce que t'es qu'un animal. Toi, ta famille, ton grand-père, ton père et ton frère. Et avec toi, je ne me fiancerai jamais, même si tu dis que tu vas me tuer. » Tu lui as dit ça? Et pire encore. Tu as dit ça à Marcello Sollara? Ouais. Mais t'es folle! Ne dis à personne que tu l'as traité comme ça. Asseyez-vous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous rendre vos dissertations. Je vous le rappelle, il s'agissait de traiter le sujet suivant. Dégager les phases du drame de Didon. Les copies sont classées par ordre. Première, Greco. Greco. Mademoiselle, je vous félicite, je vous ai mis 10 sur 10. Oh. Ah, c'est une note que je ne mets jamais. Merci. Bravo. Merci. Deuxième, Ferullo. Oui. 9, c'est très bien, Sange. À la fin du cours, Monsieur Gerace me parla dans le couloir. Il admirait vraiment la façon dont j'avais traité le sujet. Et quand le professeur de religion apparut, il l'arrêta et lui fit un résumé enthousiaste de ma dissertation. Quelques jours plus tard, je me rendis compte que M. Gerace ne s'était pas limité aux prêtres, mais avait parlé de mon devoir à d'autres enseignants. Une prof de la première A, Mme Galliani, m'arrêta dans le hall et s'enthousiasma surtout pour l'idée, centrale dans mon devoir, que si l'amour est banni des villes, alors l'essence bénéfique des villes se transforme en essence maléfique. Dis-moi, c'est toi, Greco? Oui, madame. C'est quoi pour toi une ville sans amour? C'est une population qui ne connaît pas le bonheur. Donne-moi un exemple. C'est l'Italie pendant le fascisme, l'Allemagne pendant le nazisme, nous tous les êtres humains dans le monde d'aujourd'hui. C'est une idée intéressante. Et je dois dire que tu écris très bien, Greco. Tu lis des essais ? Je lis les livres que nous étudions en classe. Il faut que tu lises des textes de théorie littéraire et des auteurs contemporains. Tu connais l'œuvre de Samuel Beckett ? Non. Je peux te prêter des livres si tu veux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Dis-moi, Gréco, il fait quoi ton père ? Mon père ? Il travaille à la mairie. Ah, il fait de la politique ? Non, il est portier. Naturellement, cet intérêt de Madame Galliani me remplit d'orgueil, mais il n'eut guère de suite et la routine scolaire reprit son cours. Du coup, je finis bientôt par trouver que, même avoir acquis une petite célébrité grâce à mes capacités, ça ne valait pas grand-chose. En fin de compte, qu'est-ce que cela prouvait ? Cela prouvait surtout combien étudier et discuter avec Lila avait été fructueux et combien elle m'avait motivée et soutenue quand j'étais sortie dans ce monde qui n'était pas le quartier, parmi les choses, les personnes, les paysages et les idées des livres. Le doute me rongeait. Je me mis à attendre de nouvelles louanges qui viendraient prouver l'autonomie de mon talent. Mais quand M. Gerace rendit un autre devoir sur la reine de Carthage, Énée et Didon rencontrent entre deux réfugiés. Il ne fut guère enthousiaste et se contenta de me mettre 8. Je l'avais tellement travaillé. J'obtins en revanche de cordiales salutations de la part de Madame Galliani et découvris avec plaisir qu'elle était la prof de latin et grec de Nino Sarato. Peut-être qu'elle va lui parler de moi. J'attendais avec grande impatience des signes d'attention et d'estime qui me confirmeraient mes capacités et espérais au moins en recevoir de lui. Oh, ce serait bien. Je me dis que si la prof de lettres me tressait des lauriers en public, il se souviendrait de moi et m'adresserait enfin la parole. Mais il ne se passa rien. Je suis invisible en fait. Et je l'apercevais toujours au début des cours, à la sortie, avec son même air absorbé et sans qu'il ne daigne jamais m'accorder un regard. Une fois, j'en arrivais même à le suivre le long du Corso Garibaldi et de la Via Casanova, espérant qu'il me découvrirait et me dirait « Salut, je vois qu'on fait le même chemin. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Mais il marchait à vive allure, tête baissée, et ne se retourna jamais. Je me sentis lasse et méprisable. Déprimée, je pris le Corso Novara et rentrai à la maison. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. Sixième épisode, le lycée. Avec Amira Cazar, Louise Auré Di Chero, Giulia Dussolier, Jean-Charles Dizzazzo, Christophe Brault, Louis L., Adrien Zumthor, Océane Mosas. Et les voix de Arturo Armone Caruso, Thomas Zouani, Julie Kenney, Rémi Goutalier, Cécilia Dassonville, Nicolas Anotto, Tom Boyaval. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.